sikwesalangi na kati ya motema transport d'amour esiki amour esi bapanse catastrophe d'amour napeli mister panse chakolimo motema eza na biso carburant d'amour maboko na yo persona ngai onakaka lode koma inspecteur Miguel Mbongo Salon Interstar London. Monte qui sait que Atika ka toujours mais c'est moi mon son na somba kangona mawa. Oh nana. Malila de London, monte ma ici. Est-ce que tu as entendu là? Qui va salissando? Na belle lio pro de Roma. Destination ya no fena ngai. Maître Ben Surubika de London, Olivier Bamba de London. Joseph Kambala Salama moko de Roma Asase de Kito na koya kote na ete Mote mae si ba shoke Asase na ekwa me limite Ato Le boss ventrie, l'élection ventrie Mote ma traba sana moko presidion Ya ple ma ba presi kupo ya mae Komimite ya mawa Moko ma sola Okito Bandashala Nakoto Bandae Marcio Ventrier, Eric Ventrier, Jessica Ventrier, Vania Ventrier Mon apesengi loboko bile iloboko eboko pesa Maya miso lelo ekanga mina maate marangai Maleris mama ya miso silisa kama wate Sona nanezi mocho na kwe na kakia mwa Ote manana elati mkukuya ya kode umae Valere sile inga iloko la tibu shona nanda lotoko Referansa ebi mbelinda lala na kwe ya temi Referansa bolingo na ngayo sa wabi Hey mama mune Dominique Ventrier mon bebe, oh bebe Eric Kapalai Mon bebe, Claude Ouma, oh bebe Nounouk sa ngayo sa wabi Elion Mandita Mon bebe, mon bebe Mimi Kamala, chérie, pour le baki c'est des choses qui arrivent, pour le baki na zela. Na kangi motema, na zokokate, motema pasi. Lengo zo sananga. Mariam Chibango. Momo kwa bolingo ya moto besanga mbonde commerce. Lolembe silinga loko la moto ambongo na gati ya serkei. Soufrance na nga otie. Lango elevateur kwe matama kasi. Kaba loki na golu katoni ni mawa. Serge Mouboulaye, top class. Thomas Mbouya de London. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Kode wama mon bébé, mon bébé. Melina na nga osa wate. Staff bébé Wonga, sœur, pauvre, y'a les bandits. Signor Aziz. Mbambanda no basulukana Ni digital salon star na London joué la yami pourquoi permettre bas non à nego Miami New York Vandelaga mon maman yo pour salago tout ça la bache à cinéma Adel Jo Claude Wong na London le banquier Ole Katana, je pas na yo. Bernard Danti, ta boîte, yo tanika, na naïte. Jo, pour mon boutou, ide chombo. Kenga, Claude Wongo, les langues. Il y a 5 ans de silence. Car il y a son. Chabani, récoréo, les langues. Mon ami, papi, Jonia. Kobo yanga, t'es Claude, y'a tété. Kobo yanga, t'es silence, Antoine Gonda. Le président Juppé Onyenzi. Trésor pour les banquiers. Patrick Moussamba le Maximo. Salama mon Claude Wonga. Asa se le kito na koya po benaye. Jo Tambani. Mote maezi ba choke. Asa se na e pa melibite ato. Kaya Tambani. Maria da Silva. Mote ma tlama sana moko presidia. Ya te ma ma presi po koya ma e kominite ya mawa. Ines Mourama. Mote ma sona e. Soumani, Raphaël Mboulo, Mathieu Massala, Moukoubo Chabani,